On fume ta république. On crache notre rage, trouvée à travers notre gorge. De la cinquième à la première, je fume ta république. De ces escrocs de première, je demande l'arrêt en public. Ce qu'on vit ici, non, c'est pas un enfer. Ce qu'on kifferait voir, c'est un Vici. Plonger un enfer. Putain de régime parlementaire, mené par le mentor. Monarchie ou Babylone se fait archer. Le tiers état se fait lâcher. Et le chétan gagne par une flèche royale. Faut pas que tu flanches rouillard, y'a pas le feu. Mais l'alerte est rouge comme le sang. Parle pas de laïcité. La cité s'organise mieux qu'une entreprise. Y'a pas de citoyen, rien que des chitoyens. Et si tu sais, dis rien. Ici, j't'en dois rien. On vote pas, fuck le référendum. Fils de refrain Adam, mat l'état d'âme. Les gauches chines, les chèques à ta dame. Les chèques qu'on te donne, les tadanes. Les jeunes cannes et scannes. Les toxcam et scannes. Sous méthadone, méthadone. Et mets-toi ton jean. Putain, ils nous l'ont fait à l'envers. On leur enverra le revers. Grab une pilule, get tu pâlis. Sans froid tu pèles, l'air il pollue. Frère, on n'est pas libre, on vit en cellule. La vie une banque et on a le calibre. Grab une pilule, get tu pâlis. Sans froid tu pèles, l'air il pollue. Frère, on n'est pas libre, on vit en cellule. La vie une banque et il nous faut le calibre. Rien que le mal on mate. Dès le matin, c'est pas des moindres. Nous montons une pente en patin. De vrais moutons, les hommes. On compte sur la prairie, le ravin est proche, attiré par le vide, les sommes. Irrésistible cible d'une vision trash qui est la nôtre. Flip pas d'être utopiste si on est un rescapé du crash. Photo prise de haut, toujours prise de haut. Masque la sueur, comme le brise ou le déo. L'air il pollue, l'atmosphère plaît plus. Le monde est un fléau trop nul. Une plaie énorme où mes frères y basculent. Ces points fair play, ça plaît fort peu. Le Big Bang était ridicule. Mais des ailes se déploient, cette fois-ci. Sur son plumage, sanguinaire le 666 si inscrit, ouvre le livre, tourne la page. Pour la fin du récit, cousin, j'insiste. Grab une pilule, qu'est-ce tu pâlis. Sans froid tu pèles, l'air il pollue. Frère, on n'est pas libre, on vit en cellule. La vie une banque et on a le calibre. Grab une pilule, qu'est-ce tu pâlis. Sans froid tu pèles, l'air il pollue. Frère, on n'est pas libre, on vit en cellule. La vie une banque et il nous faut le calibre. Ça fait longtemps que ça dure, pas maintenant que ça se termine. L'externomine. Un son pour les ex-vermines, que l'état extermine. Nique sa mère, je veux pas me salir pour un salaire. J'ai la dextérité, mais dextérité de la rue et de ses galères. Putain de chroniqueur, de crime chroniqueur, de rime. J'apporte la vibe hardcore pour tous les gros livreurs de weed. À cette heure-ci, les keufs tournent comme Starsky et Hutch ou Butch Cassidy sur leur mère. J'tape des casse dédi. Paparazzi négatif pour AKA de négro. 93187 ghetto. Frérot, cherche mon Zeo à 20 milieux sous la mer sans les mots. Scénario, spiff de bezou de popo, rien à foutre, négro. T'as vu les bises que l'étagère, nique les procédures. Leurs procès verbaux remplissent mes étagères. Écoutez les phoniques sur nos messagères. L'état nous baise, mec. On n'est pas à l'aise, mec. Laisse-moi faire mes jazz, mec. Grab une pilule, qu'est-ce tu pâlis. Sans froid tu pèles, l'air il pollue. Frère, on n'est pas libre, on vit en cellule. La vie une banque et on a le calibre. Grab une pilule. Qu'est-ce tu pâlis, sans froid tu pèles, l'air il pollue. Frère, on n'est pas libre, on vit en cellule. La vie une banque et il nous faut le calibre. Spectateur au premier plan, prédateur de l'autre camp. Supervise, des clans montés contre d'autres clans. Ça subdivise, divise, les corps enterrés où les dieux s'est classé. Des crames à la frontière, ensuite sous contrôle déplacé. Affaire à suivre, affaire classée. Comme une pilule et ton portrait craché. Énorme décalage, entre le son et l'image. La mort a bel et dents blanches, donc passera sur le visage otage. Du vice, c'est le vice qui nous prend en otage. Le temps s'écoule, j'mets le compteur en rodage. Avant que je décolle, car l'enfer c'est l'envers du décor. Même si on n'est pas libre, la vie une banque et on a le calibre. Pas trop de palabres, pas de fruits, on abalarde. On reste en alerte, rouge. Mais pas mal, les boules, les patrouilles brouillent les fréquences. À chaque sentence, c'est les douilles qui braillent. Alerte rouge, FISNOC. L'Arsène Paparazzi, Wapas Record, les meutes, 9-4.